Alors, prit la parole le dit chancelier d'Angleterre, commençant par une prophétie, car les Anglais n'en sont jamais à court. Prophétie qui disait qu'en celui de Picquigny devait se conclure une grande paix entre la France et l'Angleterre. Ensuite furent déployées les lettres que le roi avait fait remettre au dit roi d'Angleterre, touchant le traité conclu. Et le dit chancelier demanda au roi s'il les avait commandées telles et s'il les avait pour agréables, à quoi le roi répondit que oui, et de même pour celles qui lui avaient été remises de la part du roi d'Angleterre. Alors fut apporté le missel, et les deux rois posèrent une main dessus et l'autre main sur la vraie croix. Ils jurèrent tous deux de tenir ce qui avait été arrêté entre eux, savoir la trêve de 9 ans, s'étendant aux alliés de part et d'autre, et l'engagement de procéder au mariage de leurs enfants, ainsi que le comportait le dit traité. Une fois le serment prêté, notre roi, qui avait la parole bien à son commandement, se mit à dire au roi d'Angleterre, en plaisantant, qu'il fallait qu'il vînt à Paris, qu'il lui ferait fête, ainsi que les dames, et qu'il lui donnerait Monseigneur le cardinal de Bourbon pour confesseur, car il était homme à l'absoudre très volontiers de ses péchés, si d'aventure il en avait commis, car il pouvait témoigner que le dit cardinal était bon compagnon.